peut-être pour éclairer, parce que sur ce qui était la CNDT, parce qu'effectivement là tu viens de souligner des contradictions dans la CNDT, mais pour tout le monde de la salle, on n'a pas une idée précise où ça pouvait être dans ces années-là. Alors, la première chose à dire, c'est que c'est un mouvement extrêmement massif. La CNDT en 1936 comptait 1 million de militants. Et je dis pas d'adhérents, je dis bien de militants. C'est-à-dire que dans ces périodes-là, être adhérent à la CNDT, c'était courir un risque, y compris de se faire tirer dessus. Dans les années 30, par exemple, le leader de la CNDT était abattu dans la rue. Salvador Seguí a été tué dans la rue, parce que c'était la période où les employeurs barcelonais avaient fait un pacte et ils payaient donc des truands pour tirer à vue sur les militants de la CNDT. Lui s'est fait tuer, ça fait un peu de ça. Donc la première chose, c'est qu'effectivement les gens qui adhéraient maintenant 14 ans, ils savaient qu'ils prenaient un risque, qu'ils avaient devoir l'assumer, donc c'était des militants. Entre sa création en 1936, la CNDT a connu plusieurs périodes d'interdiction, plus simple, parfois ils étaient autorisés, parfois interdits. Donc ça veut dire que les réunions étaient clandestines, les gens travaillaient pas beaucoup à l'époque, 10 à 12 heures par semaine, parfois 13 ou 14, et donc les réunions étaient faites en dehors de ces temps de travail, à l'extérieur, par exemple, de Barcelone, les gens le dimanche prenaient leur petit panier pour aller pique-niquer, etc. Enfin, ça veut dire que on n'est pas dans l'adhésion telle qu'on peut être actuellement à l'USA ou à la CFDT où on paye une carte. Le million d'adhérents était globalement un million d'habitants qui prenaient des risques. À la même époque, d'ailleurs, il y avait quand même pas mal de mèmes, de choses comme ça. Par exemple, la fin des coups de revolver du patronat de Barcelone, c'est des militants, c'est que des militants ont kidnappé un évêque. Ils ont dit, maintenant, si ça continue, il n'y a plus d'évêque. Mais on n'a jamais trouvé les gens qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'était les gens qui travaillaient par ailleurs, qui faisaient ça en dehors des heures de travail, voilà, et qui disparaissaient après éventuellement dans le domicile du million d'autres militants qui se dépassaient de domicile à l'autre, etc. Donc une base populaire extrêmement forte. Donc 1 million de militants. Là-dessus, quand même, une pensée politique extrêmement complexe. Parce que le syndicalisme s'est toujours nourri des apports idéologiques des gens qui arrivent. Et donc tout ça, c'était mixé, il y avait beaucoup de débats, beaucoup dans les périodes de légalité, chaque syndicat avait ce qu'on appelait un athénée, c'est-à-dire une bibliothèque, un endroit pour échanger, etc. Mais même s'il y a des très très grandes lignes, 1 million d'adhérents, 1 million de militants, ça doit nous dépasser quand même. On était pas parti communiste, donc les gens ne récitaient pas une Bible chacun, réécrivaient sa petite Bible perso avec ce qu'il avait. Avec des points forts, c'est qu'ils étaient habitués à faire par eux-mêmes, puisque la CNDT n'a jamais eu la moindre subvention en Espagne, jamais la moindre aide, quoi que ce soit, bien entendu. Jamais de permanent, c'est 1 million d'adhérents. Il y avait un seul permanent pour le journal. À l'époque, était, je crois, compliqué à cette époque. On faisait que ça, mais pas d'autre. Et donc, moi, me semble-t-il, par rapport à ce que tu as dit, une organisation assez bien rodée à faire de la résistance en situation capitaliste. Y compris, bon, il y a eu des trucs de répression terribles. À Sassuira, sous le village, il y avait la syndicaliste brûlée, les habitants dans les maisons, avec des choses comme ça. Sûrement beaucoup moins adapté à des prises de décision collectives rapides. Parce qu'ils avaient justement toutes ces réunions clandestines, etc. Mais ça, c'est des choses qui prennent du temps, voilà. Et moi, me semble-t-il, en période révolutionnaire, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de militants n'avaient pas une vue globale, stratégique, de ce qui s'est passé. Je crois que ça, c'est une carence grave, mais vous savez, dans la société française aujourd'hui, je crois que ce qui se passe en fait dans la rue, ils n'ont pas une vision stratégique de ce qui va se passer, de l'évolution des choses. Voilà, c'est le plus difficile à voir. Et donc, ça fait qu'on a assisté à deux choses un petit peu contradictoires dans cette période-là, c'est-à-dire une absence de vue stratégique qui a fait que finalement des décisions de comité ou des choses comme ça puissent s'imposer à des gens qui, par eux-mêmes, sur les lieux de leur travail et de vie, avaient une action révolutionnaire et transformaient l'économie dans un sens révolutionnaire. C'est un peu, ça peut sembler un peu contradictoire, mais les mêmes personnes qui mettaient leur usine en autogestion, qui s'entendaient avec l'usine d'à côté pour, par exemple, avec une usine qui fournissait, qui faisait des boulons, s'entendaient bien entendu avec ceux qui avaient besoin de boulons, avec ceux qui fabriquaient du métal. Mais je veux dire, tout ça s'est fait relativement rapidement et très bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'économie, La productivité en Espagne a augmenté de je ne sais pas combien en l'espace de 3 mois. Voilà. Que ce soit dans l'agriculture, les oranges de Valence, par exemple, ils sont très très gros économiques. On n'a jamais vendu autant d'oranges dans le monde que la période autogérée. Et de même pour la production industrielle. Donc ça, ils ont été capables en même temps de faire ça, c'est-à-dire de gérer une économie de façon tout à fait égalitaire, sans pas trop du tout. Et de se faire piéger un peu à un niveau beaucoup plus général, qui était de comment on fait une révolution ailleurs que dans son village. Dans le village, ils ont été impeccables, dans la commune aussi, dans la région, et dès que ça allait au-delà, eh bien, je crois que c'est... il a manqué largement cette capacité. Alors, ouais, moi je tiens... parce que ici c'est le local de la Sainte-Hélène, donc je trouve ça quand même assez... moi je le souligne quand même que... qu'il y ait organisé un débat sur une critique de la sainteté, je trouve que c'est à souligner, mais c'est pas plus loin. Donc voilà, par contre, il y a une critique que je retiens là, une autre que dans ton propos, c'est leader de la sainteté. Donc tu dis que Ségui était leader de la sainteté, moi ça m'a interpellé, je veux dire. Donc il y avait quand même des gens avant 36 qui étaient déjà considérés comme leaders, ça m'interpelle. Je crois que c'est 1,5 million en plus. Hein, quand on dit l'élan révolutionnaire est brisé, ok, bon, c'est ce qui a fait foirer après la récupération du bastion anarcho-syndicaliste de l'Aragon, mais c'est pas parce qu'il y a un élan révolutionnaire qui est brisé qu'il peut pas renaître. Bon, là en l'occurrence, il a pas forcément renaquis, je sais pas comment dire en français. J'ai jamais trouvé ce mot-là. Voilà. Renacido en Castilla. Et donc, mais je veux dire, c'est juste pour souligner que c'est pas parce que dans une situation révolutionnaire, il y a un élan révolutionnaire qui est brisé, que tout de suite il faut dire ah putain, l'élan révolutionnaire est brisé, les mecs rentrent chez nous. Non, ça peut renaître. Hein. Il y a pas les situations. Dire, les leçons de l'histoire, c'est un peu le débat d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelles leçons peut-on tirer des erreurs de l'histoire. Et moi, je pense que bon, voilà, il faut qu'on parle aussi du processus, puisque tout tient dans le mot processus. Je veux dire, j'ai entendu, je sais pas dans quel débat, un jour, que la révolution, tant qu'elle n'était pas gagnée, ben, elle était perdue. Mais voilà, donc, je veux dire, c'est de la palissade. Mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ben, voilà, la révolution, c'est sur la longueur. C'est pas le grand soir. C'est qu'il y a tout un travail. Et que ce genre de débat-là, encore une fois, permet justement de souligner les erreurs. Et pour moi, il faut qu'un débat comme ça, justement, la volonté première d'un débat comme ça, c'est effectivement de comprendre le contexte de l'époque, mais aussi de faire une comparaison avec l'actualité et de voir que d'ailleurs, on n'est pas dans le même contexte que, etc. Et je pense que le débat, il devrait aussi parler du processus révolutionnaire d'aujourd'hui. Voilà. Pas rester effectivement que dans le passé, mais parler de présent et futur. Mais bon, je saute peut-être des étapes puisqu'on est dans l'autocritique du passé. Voilà. Et par rapport au passé, moi je sais pas. Tu dis par rapport aux décisions rapides, tu dis peut-être que les décisions étaient moins rapides. Ben, peut-être pas, parce que peut-être qu'au bout d'un certain moment, il y a eu, puisque c'est 50 ans de processus révolutionnaire, peut-être qu'au bout d'un certain moment, les réunions, les comités de quartier, etc., etc., les comités de village, d'usines, etc., de la CNT, au bout d'un certain... Au début, ça a peut-être été difficile de passer, justement, du consensus... d'un mode de décision, finalement, hiérarchique à un mode de décision consensus, mais peut-être qu'au fur et à mesure, grâce à l'émancipation individuelle et collective de ces gens-là, qui cherchaient toujours à savoir plus, à comprendre plus et à s'émanciper plus, et ben peut-être que, finalement, les décisions se sont accélérées. Pour moi, le consensus... C'est peut-être effectivement un mode de fonctionnement qui peut être cause de ralentissement, mais pas forcément toujours. Quoi. Voilà. C'est juste un détail. Le bouquin La Révolution Traditionnelle résume bien les compromis politiciens à quoi la CNT a été ses compromis, quoi, et qui s'est même mis complètement à l'écart de la base. La CNT a mis le doigt dans le jeu politicien et ils se sont retrouvés, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, à saboter tous les élans révolutionnaires comme les collectivisations ou des choses comme ça. Moi, je dis que c'est quand même riche en renseignements, toutes ces cagades, parce que ça montre bien que, bon, voilà, y a des choses où il ne faut pas, il faut être sans compromis, et qui montre ce que c'est que de jouer dans des trucs où on n'est pas fait pour ça. Deux, trois précisions historiques. Dans la spécialité, la CNT, c'est la solidarité internationale antifasciste. Donc, deux, trois précisions pour montrer effectivement à quel point il peut y avoir des connexions entre la base révolutionnaire et direction. Si je me rappelle bien, tout début juin 1937, donc juste après les journées des 37 à Barcelone, le comité régional de la CNT de Catalogne demande au comité régional de la SIA, qui est lié organiquement, de tout faire pour travailler avec les communistes sur le terrain pour continuer l'effort de solidarité humanitaire entrepris, etc., etc. Genre 15 jours après que se soit donné un coup de fusil sur la gueule dans Barcelone, on dit bon ben là il s'est rien passé, on va faire copain-copain, on va continuer. Donc il y a quand même à l'époque une réaction de la base. Qu'est-ce que vous me dites, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais les amis de Routy, qui à ce moment-là sont extrêmement minoritaires, qui essayent de réorienter la CNT vers son activité révolutionnaire, ne comprend pas, et c'est à partir véritablement de juin 37 qu'on a les amis de Routy qui vont donner une critique de la CNT en interne, mais voire même en externe, parce qu'il faut quand même savoir que la CNT à l'extérieur, aux organisations avec qui elle travaille en France dans d'autres pays d'Europe, demande de ne pas faire de critique publique de son action. Et ce sont effectivement les dirigeants comme Saint-Yann, etc., etc., qui disent non, on ne critique pas à l'extérieur. La seule organisation en France qui va critiquer l'organisation de la CNT, c'est la FAF, Fédération anarchiste progressiste. La CGTSR va le faire, mais beaucoup plus tard et beaucoup, beaucoup moins fortement que ce que peut le faire la FAF. Et donc voilà, donc, on le voit. Alors, moi j'ai vu par rapport à la SIA, c'est absolument fantastique. Comment la CNT, le comité national de la CNT, dit au comité régional de la CNT, vous allez créer une section de solidarité parce que nous n'avons pas, comme les communistes, le secours. Donc vous allez faire quelque chose pour que nous puissions nous développer des endroits où nous ne sommes pas développés. On s'en fout avec qui vous le faites avec les socialistes, vous le faites avec l'UGT, vous le faites avec le POUM, etc., etc. Vous faites quelque chose comme ça, on emmerde les communistes, on les fout, alors même si c'est avec des ecclésiastiques et tout, on s'en fout, on prend tout. Et la base va le faire. Mais la base va quand même émettre très grosses critiques. Le problème, c'est que ces critiques-là, bizarrement, elles n'arrivent jamais à rencontrer aux comités nationaux ou aux comités régionaux. Donc, moi, je ne sais pas si, effectivement, ça brise l'élan révolutionnaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on va avoir une réalité. Et je ne pense pas que ce soit des gens qui aient forcément une mauvaise vision du général. Je pense que, tout simplement, ils ne peuvent pas avoir une vision du général. Parce que, justement, comme on l'a dit, c'est une société agricole. Généralement, le paysan, il n'est jamais allé plus loin de son village. Le marché de la ville d'à côté, mais il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir les généralités, il ne peut pas voir ce que ça représente au niveau national. Lui, il voit ce qui se passe chez lui. Et des fois, il reçoit des ordres, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et c'est vrai qu'on a pu avoir des ordres qui n'ont pas du tout été appliqués dans certains endroits, qui ont été beaucoup mieux appliqués dans d'autres. Et je pense même qu'au-delà de la différence qu'il peut y avoir entre le positionnement d'un comité national ou régional et la base, il faut aussi voir les différences qu'il peut y avoir entre différents endroits à la base. On n'aura pas du tout la même application et la même façon. Et c'est vrai que ces gens-là vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi on me dit de faire ça et pas ça? Pourquoi ils vont au gouvernement? C'est quoi cette histoire? Et c'est vrai que dans l'absolu, ça pose des questionnements. Et beaucoup de ces gens-là se poseront des questionnements. Les exprimeront, ils n'auront pas forcément. C'est malheureusement, à mon sens, bien ancré que certains, notamment après 45, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils vont se poser ces questions-là et vont les poser clairement, notamment dans la secte en exil. En ce qui me concerne, moi j'ai discuté ce matin avec trois ou quatre vieux là, et il y en a un qui a eu une discussion un peu très intéressante et quand même qui m'a dit que lui était anarchiste, qu'à l'époque il avait 8 ans au début de la guerre, et que ce qu'il regrette, c'est que les anarchistes de la CNT, ils n'étaient pas soutenus l'effort de la Première République. Il trouve déjà que l'entrée au gouvernement de la CNT en 1936 est déjà potable. Et pour m'argumenter ça, il me sort une phrase de Doughty, que je ne connaissais pas d'ailleurs, pas Doughty, mais la phrase, c'est que on peut renoncer à tout, sauf à vaincre. Donc je me dis, moi, est-ce qu'il faut pour autant, et ça je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit, est-ce que pour autant il faut tout accepter? Est-ce que justement accepter n'importe quoi, ce n'est pas renoncer à vaincre, justement? Et là, je rejoins un peu ce que le compagnon ici a dit, c'est que ça ouvre la porte, cette genre de confusion, ces idées qui sont mal comprises, à des choses qui se sont passées comme à Barcelone, où, sous prétexte de respecter les autres, on laisse pénétrer des forces politiques contraires justement à la révolution. Parce que c'est ça qui s'est passé. Alors, il y a une différence entre respecter l'individu et puis respecter d'autres forces politiques. Voilà. Par rapport à ce que tu disais, quand tu dis que ce sont des paysans, oui, c'est ce que je veux dire en introduction, c'est-à-dire qu'il y a une absence de vision générale, bien que la CNT fait des efforts culturels extraordinaires. Pour les gens, effectivement, il y en a qui n'étaient jamais sortis de leur village, donc réfléchir à faut-il faire un front sur l'Ebre ou continuer la guérilla, et prendre une décision là-dessus en l'espace de 10 minutes, concerter avec un million d'autres, ou deux jours concerter avec un million d'autres personnes, voilà, c'était une difficulté réelle, voilà, je crois qu'il ne faut pas se cacher. Après, le problème, c'est que pour essayer de comprendre la CNT, il faudrait faire une espèce de véritable ethnologie, ethnographie, parce que c'est un mouvement très complexe, 50 ans d'histoire, un million de personnes, effectivement des gens très différents, parfois certains des trotskistes, Les trentistes. Dans certains endroits, des catholiques pratiquants, catholiques anarcho-syndicalistes, bon, ça me semble un peu bizarre, j'en ai connu. Ça peut sembler un peu bizarre, mais eux résolvaient leurs contradictions. Ils avaient décidé que tu étais anarcho-syndicaliste. Mais je faisais en appel, voilà. Je veux dire, c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement populaire avec les contradictions d'un mouvement populaire. Même si tout s'est sur le fond, là où ils voulaient aller, il y avait une assez grande homogénéité. Et donc, moi je crois que ça, c'est un peu difficile à comprendre pour nous parce que il n'y a rien dans le paysage français qui ressemble à ça. Strictement rien. Donc, c'est un peu comme une tribu d'Indiens, là, comme vous avez fait la conférence sur Pierre Clastre quand vous parlez des Indiens d'Amérique du Sud. Et bien, je crois que la CNT de 36, pour la majorité d'entre vous, sûrement d'entre vous, est aussi étonnante que les Indiens d'Amérique du Sud dans leur coutume, dans leur façon de faire, etc. Et moi, j'ai appelé le mot leader, effectivement, qui est peut-être pas le bon mot, parce que tout dépend de ce qu'on met derrière. Mais à la CNT, il y a toujours eu, ce que je disais, des militantes destacados, c'est-à-dire des militants mis en avant, se détachent un peu, mais ce n'est pas des leaders au sens qu'on l'entend chez nous, c'est-à-dire ce n'est pas des gens qui donnent aux ordres des ordres aux autres, c'est plutôt des gens qui interprètent comme un musicien interprète une partition, qui exprime, c'est-à-dire que Federica Camonzini, qui a été ministre, était une de ces 10 leaders-là, ça ne lui donnait aucun autre droit particulier. Celui d'être ministre, on a fait qu'il était... un truc, je pense, qui lui a pas refait les chevilles de trop, tu vois, voilà. Et ben, sinon, voilà. C'est... Voilà. Et n'empêche que même après ça, y compris les gens qui ont critiqué, à juste titre, la participation au gouvernement, et le même, les critiqué d'ailleurs, ben, pouvaient venir l'entendre à un meeting, parce que dans un meeting, elle exprimait, effectivement, sûrement, le milieu moyen, le terme moyen de ce que vous pouvez penser, l'ensemble, le million d'adhérents, etc. Ça, c'est curieux, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Un peu comme le chef coutumier, pour continuer mon petit parallèle. C'est un peu de cet ordre-là. Alors, c'est difficile à saisir, effectivement, mais le fonctionnement était un peu comme ça. Et après, deux autres petits points. Dans aussi l'hésitation qu'il y a eu le 19 juillet 36 à qu'allait faire la CNT, il y a un truc qui pèse beaucoup, dont on n'a pas parlé, dans la tête des militants, c'est que, il n'y a même pas 20 ans avant, il y a eu une révolution dans le monde, en Russie, qui s'est transformée en dictature. Et la hantise des gens de la CNT, c'était de ne pas faire une dictature. Parce qu'effectivement, en Catalogne, ils auraient pu sans aucune difficulté, instaurer une dictature anarcho-syndicaliste. Ils étaient suffisamment nombreux, ils avaient les armes, ils avaient le pouvoir, et donc ils auraient pu massivement instaurer ça. Et je crois que dans cette espèce de jeu avec le pouvoir, enfin, de refus, etc., il y a eu le refus d'avoir un petit goulag anarcho-syndicaliste dans les vallées catalanes ou des choses comme ça. Enfin, pour ceux que je peux en juger, ça ne vous plaît pas. Et après, par rapport aux critiques extérieures, c'est le problème pour les gens ici, c'est que la FAF des années 30 n'a rien à voir avec la FA d'aujourd'hui. L'équivalent de la FA dans les années 30, c'était l'UA, l'Union des anarchistes. Et la FAF, au contraire, était une machine de guerre de gens de la CGTSR contre l'UA. Donc, effectivement, la critique commençait par la FAF, mais la FAF était essentiellement faite avec l'UA de la CGTSR. Et justement, pour éviter des conflits directs, on utilisait cette stratégie-là. Donc vous trouverez dans les archives de la française des petits trucs de la FAF. Oui, alors, quand Rocky exprime renunciamos a todo menos a la victoria, renunciamos tous sauf la victoire. C'est comme le mot leader, il faut savoir qu'est-ce qu'il met derrière le mot victoire. Or, pour Dorothy, c'était clair que la victoire, c'était celle de la victoire révolutionnaire. Effectivement, en prenant une phrase comme ça, sortie du contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. Très certainement, c'est pas établi que Dorothy ait été tué par les communistes, mais il est clair que Dorothy a servi la réaction dans le camp républicain. C'est pas très clair, parce que Dorothy était un leader, de la façon dont ça vient d'être exprimé. C'était quelqu'un... Alors, leader, c'était quoi la CNT? Effectivement, c'était quelqu'un qui, par son passé révolutionnaire, par son passé militant, avait la confiance des travailleurs. Voilà, c'était ça. Mais là où d'autres leaders, comme Garcia Oliver et Federica Mancini, ont quand même un peu failli à leur tâche, c'est quand ils ont commencé à expliquer, et là il y a des textes, des discours de Mancini, que la révolution espagnole était une révolution nationale, et qui comparait la guerre espagnole de 36 à la guerre de libération contre Napoléon. Et il y avait des accents, y compris nationalistes, dans les discours révolutionnaires. Et ça, de la part de militants de confiance, c'est quand même aller un peu loin, même si on estime tout ce qui a été dit auparavant. L'opportunisme, quelque part, bon, il peut être tactique, mais quand l'opportunisme déjà est tactique, mais qu'en plus, il s'avère faux, parce que fondamentalement, ça n'a pas mené, même Federica l'a reconnu plus tard, ça n'a rien amené du tout, ça n'a amené que des emmerdements, eh bien, il est quand même à critiquer. Après, bien évidemment, la Catalogne, même si c'était un bastion stratégique, etc., et tout, il y avait tout le reste de l'Espagne, il y avait le monde à prendre en compte, et effectivement, dans la tactique au jour le jour, il y avait peut-être à prendre en compte tous ces aspects, à savoir que, effectivement, le fait de donner, pour les militants de confiance des comités, le fait de donner des postes aux partis politiques en Catalogne, ça équivalait à Madrid, avoir aussi des postes de la CNT, alors que la CNT était minoritaire à Madrid. Voilà, c'était un peu du donnant-donnant. Mais dans ce donnant-donnant-là, comme l'exprime Santillan, où il dit « moi j'avais confiance au parti, etc. et tout », je crois qu'ils ont fait erreur en faisant confiance au parti. Ils ont fait plus confiance au parti qu'en la propre base de la CNT. Et c'est là, moi je trouve que c'est ça qui est dramatique. Et c'est que des gens de la CNT, de confiance, détachés, qui par le passé... Garcia Oliver, par le passé, il avait pris les armes plusieurs fois, c'était, voilà, s'il était là, c'était pas par hasard, quoi. Il avait pris des risques, plus que sa part, et que des gens comme ça tombent si facilement dans l'erreur, quand même, ça doit nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, à savoir que, bon, mais on le sait, personne n'est parfait, le pouvoir, bon, mais il corrompt quand même toujours un peu, il faut s'en méfier, et voilà, donc, cette histoire-là de la révolution espagnol, l'enseignement, pour moi, il est là. À savoir que même des militants qui ne se sont jamais trompés, jusqu'en 36, ces gens-là ne s'étaient jamais trompés, et bien en 36, ils se sont lourdement trompés. Donc ça c'est quand même à retenir, parce que voilà, ils sont allés bien loin. Et pour vous dire, pour venir sur l'histoire de la chefferie, hein, c'est un peu la chefferie en milieu anarcho-syndicaliste, Monseigneur, avant 37, son dernier meeting à Barcelone avait été sifflé. Elle ne pouvait plus parler devant la base confédérale. Parce que les gens, à ce moment-là, elle n'était plus militante d'Estacada, c'était plus rien du tout. Elle ne pouvait plus prendre la parole au meeting de la CNT. Bon, mais ça montre quand même que dans la CNT, il y avait une capacité, justement, déjà d'autocritique et de remise de pendule à l'heure. Bon, et c'était un peu. Le problème, c'est que toi, tu dis, là, révolutionnaire, une fois qu'il est brisé, on peut le récupérer. mais c'est quand même très... C'est possible. Voilà, c'est possible, mais c'est quand même bon de se mettre des bâtons dans les roues pour pas grand-chose. Maintenant, effectivement, nous, on en parle 70 ans après, on a le recul dont ils ne bénéficiaient pas. Bon, mais voilà, moi, je pense que il faut, moi, j'assume complètement les erreurs de la CNT de l'époque. Voilà, j'ai dit, ben oui, on a commis des erreurs maintenant. Par contre, il nous appartient à nous de ne pas les refaire. Moi, quand je vois maintenant, pour parler au présent, quand je vois des anarchistes qui font toujours confiance au syndicat, quand je vois des anarchistes qui se présentent aux élections délégués d'entreprise, délégués du personnel, quand je vois des anarchistes qui appellent à voter Chirac en 2002, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'histoire? Parce que c'est souvent des militants, pareil, qui ont 20 ou 30 ans d'expérience, hein, et ils vous sortent encore que bon, le syndicalisme c'est bien, qu'il faut faire des fois un front républicain pour empêcher que Le Pen arrive au pouvoir, etc. Et tout. Donc moi je crois que c'est important d'assumer nos contradictions, non pas pour les refaire, mais pour ne plus les faire. Et c'est important de ne pas les masquer, ces contradictions, parce que ces contradictions, elles font partie de notre expérience, l'expérience du mouvement ouvrier pour l'émancipation internationale. Voilà. Et donc, voilà. Donc je crois que ce débat, il a l'avantage de situer les faits historiques, de les approfondir, et d'essayer de, pour les jeunes qu'il y a ici et tout, de former les futurs militants révolutionnaires à ne pas commettre au moins les erreurs du passé. Certes, ils en feront d'autres, mais qu'au moins ce ne soit pas les mêmes. C'est une nouvelle merde. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours pour éviter les erreurs du passé. Et moi, je pense maintenant, je pense que les erreurs qu'il y a eu pendant la Révolution espagnole étaient peut-être dues aussi à la manière de s'organiser. Il faudrait peut-être regarder par là. Certaines oppositions communes, par exemple, certains trucs dont moi personnellement je me méfie, comme la lutte antifasciste ou des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être à l'aube de la Révolution déjà des trucs, des positions de fonctionnement ou des fonctionnements qui allaient mener à l'échec de la Révolution sociale? Voilà. Pour moi, c'est fondamental ce qui est dit là, parce que qu'est-ce que ce serait être révolutionnaire si justement on n'est pas capable en permanence, au quotidien, à chaque instant, de se remettre en question soi et les autres. Je veux dire, c'est ça être révolutionnaire. C'est pas seulement remettre les autres en question, c'est remettre la société. Tout a un sens. Il faut pas. C'est les mots, il faut pas les fétichiser là, comme ça. Et il y a un sens derrière révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est changement global de la société. Donc on est dans la société, donc forcément. Si tu ne te remets pas toi en question aussi, à un moment donné, il y a un problème. Donc la remise en question, elle est révolutionnaire par essence. À partir du moment où il y a un problème, à partir du moment où il y a de la susceptibilité en milieu révolutionnaire, c'est effectivement un critère favorable à briser l'élan révolutionnaire aussi, à la source. Donc ça, c'est fondamental. La critique, l'autocritique... Et encore une fois, quand on est révolutionnaire, on n'est pas là pour faire le super-héros, V comme Vendetta, etc., etc. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'il y a de la misère, c'est parce qu'il y a de l'horreur. L'horreur de la domination, c'est... je le dis à chaque débat, mais c'est 5 enfants qui crèvent de faim toutes les 5 secondes, etc., etc., etc. Pas besoin de faire un dessin. Donc, c'est pas pour être un super-héros de Hollywood. C'est par rapport à cet esprit de justice. Et par rapport à ça, donc, si on est sincère dans notre démarche, il faut absolument être capable en permanence de pouvoir remettre tout en question. En permanence. Et ça, c'est valable pour tout le monde. À chaque instant, il faut être capable de tout remettre en permanence. En question. Donc, moi, je pense que c'est quand même important d'effectivement dire le principe de la critique. De l'autocritique, en l'occurrence, d'un mouvement historique, d'un processus, donc, c'est effectivement très important de connaître le contexte. C'est fondamental parce que tu ne peux pas discuter un truc que tu ne connais pas à la base. Ça, c'est basique. Mais si on est sincère dans l'esprit, dans la démarche de la critique, il faut justement aussi, pour pouvoir critiquer, sortir du contexte. Et se rappeler quels sont les fondamentaux de base. C'est parce qu'on sort parce qu'on connaît le contexte d'abord et qu'on en sort, qu'on peut critiquer, qu'on peut justement dire, bon ben là on s'est planté par rapport aux valeurs anarchistes, on n'aurait jamais dû faire ça. C'est pas les intentions des acteurs de l'époque qui sont critiquées. On n'est pas en train de critiquer, tiens là il a fait ça et puis finalement ça aboutit, ça a participé à l'échec du processus Brouillard. Donc, comme il a fait ça à ce moment-là, c'est un salaud. On n'est pas en train de juger des gens sur leurs intentions. C'est surtout sur les faits, sur les actes. Parce qu'encore, eux non plus, ils étaient sincères dans leur démarche, certainement. Et, enfin, il y en avait qui étaient des pervers et des contre-révolutionnaires ou des infiltrés, etc. Ça. Mais tous ceux qui ont fait des erreurs, c'est pas forcément. Ils l'ont pas fait pour être contre-révolutionnaires. Donc on n'est pas là en train de juger l'intention des gens, on n'est pas en train de dire ouais, ils sont sympas, ils sont cool, ils sont bons. On est en train de dire ce qu'ils ont fait, c'est une connerie. Et ça, pour dire ça, on n'est pas en train de les juger, donc il faut sortir de la culpabilité. On sort du contexte à ce moment-là, on décontextualise et on dit bah, ça, la prochaine fois, il ne faudra pas le faire. Voilà. C'est comme ça qu'on avancera. Sinon, si on est à la recherche de fétiches et de modèles héroïques, effectivement, on va toujours répéter, effectivement, toujours les mêmes conneries, parce que, ah ouais, mais Durruti l'avait fait, ah ouais, donc on va le faire. Bon, par rapport à Durruti, on peut très bien comprendre, justement, en recontextualisant, comment Durruti, à cette époque-là, par rapport à ce qui a été dit même ici aujourd'hui, comment il aurait pu éventuellement dire une phrase comme celle-là, si c'est lui qui l'a dite, hein, parce qu'on ne sait pas, mais on peut comprendre tout à fait une phrase, on peut renoncer à tout, sauf à vaincre. En recontextualisant, parce que, comme on vient de dire que Durruti et les amis Durruti critiquaient, a critiqué, parce que voilà, à un moment donné, il y a eu une prise de conscience que c'était pas du tout la démarche à adopter. On peut dire, bon ben les mecs, là on s'est un petit peu planté, on peut peut-être renoncer à tout. Donc c'est dans le contexte qu'il peut dire ça dans un discours, etc. etc. Il n'était pas en train d'écrire une thèse sur l'anarchisme, il était en train de faire la révolution au quotidien. Donc quand tu fais la révolution au quotidien, il faut être critique, autocritique, et donc il faut aussi s'accorder une marge de manœuvre, mais il faut pas s'attacher. Moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, même le 14 décembre dernier, on a fait à Toulouse un rassemblement de soutien aux Grecs. Bon, il y a eu un enregistrement. À un moment donné, il y a un compagnon qui dit liberté, égalité, fraternité, et puis qui dit un autre fois, et qui dit, c'est ça les valeurs de la France au départ, on est anarchiste. De la République, pardon. Hein ? Mais putain, on est dans une manif, on est en train de dire ça, et puis on est en train de parler à des gens qui sont à l'extérieur. C'est pas qu'on est en train de faire des compromis intellectuels, c'est simplement qu'on est dans un contexte qui est très particulier, et on n'est pas en train d'écrire une thèse de l'anarchisme, mais il y a une phrase. Donc sortir une phrase comme ça du contexte, putain, la critique, c'est bon, on peut, je veux pas être vulgaire, mais on peut écrire des bouquins là-dessus, mais ça veut pas dire que d'un seul coup, Durruti était devenu trotskar et qu'il a dit la fin justifie les moyens. Pourtant, cette phrase, c'est ce que ça veut dire. On peut renoncer à tout sauf à vaincre, ça veut dire la fin justifie les moyens. C'est, mais peut-être que lui, il disait, bon, les copains, vous avez fait assez de conneries maintenant, on pourrait peut-être commencer à penser à la victoire, quoi. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire, donc c'est important. Ouais, je lis mes notes. Ouais, et bien justement, dans l'autocritique, le dernier point sur lequel je reviens, pour moi, c'est pas si anecdotique que ça de dire destacado. C'est pas si anecdotique que ça. Mais personne n'a dit que c'est anecdotique. Donc moi je le dis. parce qu'on a rigolé à ce moment-là, donc on peut dire, oh, c'est un détail. Or, à mon avis, c'est pas un détail. C'est ça qu'il faut qu'on remette en question. Et je pense que, justement, que ce soit la sénitalité actuelle ou pas, peu importe, on s'en fout. Mais justement, il y a cette remise en question, cette autocritique qui est faite. Et il faut qu'on regarde l'histoire et qu'on dise, tiens, à un moment donné, ces mecs-là, parce que c'est des bons orateurs, parce que c'est des bons acteurs, parce que c'est des bons joueurs de partition, certes, ils se sont destaqués, mais ils sont effectivement, après, devenus ministres, machin, etc., etc. Après, ils ont effectivement reconnu, machin, etc., etc. Mais bon, puisqu'on est dans un débat aujourd'hui de l'autocritique, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas. On est là pour ça. On est là pour critiquer justement ce processus-là. Pas les intentions de ces gens-là, mais dire, tiens, ces mecs-là, ils se sont destacados, ils se sont des, en français, c'est détachés, ils ont été mis en avant, et tiens, d'un seul coup, on les a retrouvés les mêmes ministres. Ben, justement, on est là pour critiquer ça. Nous, la sainteté d'aujourd'hui, mais peu importe, c'est pas la secte de la sainteté qui est mise en avant là. C'est simplement que au sein de la sainteté, il y a un débat qui est d'actualité depuis de nombreuses années, justement, qui a fait une critique profonde de ces processus-là et qui dit stop les gars, toute organisation pyramidale amène, mais c'est l'anarchisme de toute façon, amène de toute manière, dans tous les cas, à une stigmatisation de pouvoir, à une prise de pouvoir voulue ou non voulue. Mais elle amène forcément une prise de pouvoir, structurellement parlant. Donc, nous, on ne peut pas aujourd'hui ne pas le souligner. Quand il y a une personne justement qui est destacado et qui évolue dans une structure pyramidale, eh ben, ça donne à la fin les deux éléments, structure pyramidale plus personne destacado, ça donne quelqu'un au pouvoir. Donc, on ne peut pas empêcher aux bons orateurs de s'exprimer, ça il ne faut surtout pas le faire, c'est nivelé par le bas, on peut comparer avec... Enfin, bref, ce n'est pas le débat. Par contre, on peut agir sur la structure pyramidale. Et c'est la structure pyramidale, c'est à ce à quoi je veux amener le débat là, c'est ce à quoi on discute en ce moment au sein de la CNTIT, c'est, depuis des années, c'est le mode de fonctionnement en réseau. Et ça, c'est une solution, justement, pour qu'il n'y ait pas une structure pyramidale qui puisse, à un moment donné, répéter ces erreurs dont on parle depuis ce matin, qui ont finalement... après 50 ans de dure construction, de dizaines de milliers de morts, etc., etc., et ben qui finalement, et ben les mecs ils se sont plantés, quoi. Enfin, les mecs et les nanas. Donc, réseau, fédéralisme, ça c'est de l'anarchisme, quoi. Et tout ce qui peut correspondre à une structure pyramidale, c'est forcément à combattre. Et je dirais, j'irais même plus loin, parce que ça c'est apparu dans ma tête au moment du débat, mais... Je veux dire, à ça, il y a une réponse même directe, concrètement parlant, c'est que si effectivement il y a une structure, et dans ce cas-là, il faut mettre structure entre guillemets, qui fonctionne sur le fonctionnement en réseau, militairement, pour appeler un chat, puisqu'il y a quand même une révolution, certes, mais il y a aussi une guerre qui est en train de se mener, par les fascistes qui ont fait un coup d'État, etc., etc. Si, à la base, si c'est la base qui fonctionne avec des groupes libres et souverains en réseau, eh ben, militairement, il y a peut-être une forme concrète qui correspond à ce mode d'organisation. C'est non pas la guerre militarisée, comme tu disais tout à l'heure, c'est la guerre de guérilla. Et s'il y a guerre de guérilla avec à la base des groupes qui sont soudés parce qu'ils ont toujours fonctionné ensemble et qui ne reçoivent pas justement les ordres, machin et tout, moi je crois que la guerre de guérilla finalement correspond au mode de fonctionnement en réseau. C'est son corollaire, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc pour moi, là, ce que je mets en avant, ce n'est pas la guerre de guérilla, c'est le mode de fonctionnement en réseau. Si on est anarchiste, il faut être cohérent. On est pris dans... Enfin, vous avez compris. Il faut être cohérent de toute manière, en tout cas, temporellement.